100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. Juste après Difool, dans un instant, il y a un gars du 4-5 qui débarque dans la nocturne 100% rap français. Monsieur Lanty, c'est son projet Sur la route avec une grosse session freestyle. Ne loupez pas, c'est dans un instant, dans 3 minutes exactement. Mais juste avant, grosse exclue. Exclu total, ça arrive lundi. Nous, on l'a déjà avant dans la nocturne. Le morceau de Niska qui s'appelle Gros Bonnet. Maintenant, je sais que vous êtes nombreux à demander du son de Niska dans la nocturne. Il viendra d'ailleurs prochainement dans une nocturne à la rentrée. On aura l'occasion d'en parler. Peut-être même qu'on fera. Oh, surprise, rendez-vous à la rentrée avec Niska. Et là, voici donc en exclu ce morceau qui s'appelle Gros Bonnet. Réagissez, hashtag Niska sur Skyrock. Hashtag la nocturne, gros bonnet, c'est ce qu'on écoute maintenant pour débuter cette nocturne. Et juste après, on retrouve Lantis. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Ouais. Exclu. Hey, ma gueule. Happy fif. Hey, dis-leur, on va les. Happy fif. Le morceau s'appelle Gros Bonnet. Hey, j'ai pas pris des coupables. Non, j'ai pas pris des coupables. Je suis tellement de spé qui m'invente même des histoires de Karachika. De Karachika, tu veux être ma femme? Ouais. Allez, Lungo Kuna. Ouais. Toi, tu putes ta chaloute et tu veux que je t'offre l'Ital Mpika. L'Ital Mpika. Bender. George, W. Bush. Couler le sang comme un boucher. Il n'y a que les faibles qui sont là pour se coucher. Charlie Delta, c'est Chicago. Bender. Charlie Delta, c'est Chicago. Bender. Chez nous, en période de crise. Ouais. Malaki en ville à Kagoul. Ouais. Evry Green, c'est à Kaboul. Bender. Corbeil et Zen, c'est à Bagdad. Bender. Masiati, c'est à Gaza. Avenue et Braque. T'as trop d'enfoncé, t'as de l'air. Explicit lyrics. La PLG, ma forteresse. Les corps des faibles sont dans les tombes. Niska. Bang, bang, bang. Toi t'as parlé sur nous, maintenant compte les secondes. On les hey, c'est pour l'homme, c'est quoi le comble? Imbécile. Si ta femme est stérile, elle nous pas des fécondes. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. 100% rap français. Y'a pas qu'à l'armée. Exclu. Comparution immédiate, j'ai été engrainé par le diable. 666. Mon rêve c'était d'être footballeur, mais j'ai fini marchant de sable. 666. Depuis tu peux, je suis type, et ça depuis bac à sable. Oui. Négro, tu testes notre liquide, t'auras pas le temps de péter un câble. Liasse de 50 euros, coffre sur le déco. Coffre sur le déco, coffre sur le déco. Tête de le bloc, Hugo, ça fait du bédo. Ça fait du bédo, de la pepe, de la pepe. Bédo, quand bédo, c'est blasé ma mère. Bédo, bédo, bédo, bédo. Le seul qui est là pour moi quand ça parle de bagarre. Mais ça fait du placard. Le corps des 100% explicit lyrics. Toi t'as parlé sur nous, maintenant compte les secondes. On les hey, c'est pour l'homme, c'est quoi le comble? Imbécile. Si ta femme est stérile, elle est de féconde. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Le morceau s'appelle Gros Bonnet. Gros Bonnet. Niska. Je traîne avec gros bonnet. Y'a pas qu'à l'armée qui a des famas. Des galages d'Igor. J'suis venu, j'ai vu, j'ai troqué le game. Quand Bernard m'adore. Planète rap, 100% rap français. Niska et Gros Bonnet dans la nocturne. Et c'est donc parti pour la nocturne 100% rap français avec monsieur Lantis qui fait son entrée dans le studio. Comment ça va Lantis? Ben ça va très bien et toi? Sur la route. Sur la route, ouais. C'est le nom du projet de Lantis qu'on va pouvoir découvrir ce soir dans la nocturne. Tout à fait. Pendant une bonne heure avec du freestyle. On va revenir aussi sur ton parcours. Petite présentation, petit CV express de toi-même. Lantis ou Lantis, comme tu veux. Artiste orléanais, membre de la Red Boom Squad. Affilié à DJ Mist qui s'occupe de moi depuis 2013 maintenant. La légende. La légende. La légende. Voilà, le DJ légendaire, numéro 1 hip-hop en France. Je veux plus de clash avec le DJ, stop. Arrêtons là, c'est les vacances, stop. C'est un DJ légendaire, voilà. Il n'y a pas de problème. Et dans le rap depuis 9 ans maintenant. Mm-hmm. 9 ans, et puis on est là tranquillement. Un projet est sorti le 8 juin 2015. Yes. Et ça part plutôt bien. Et donc bah voilà, le CV c'est à peu près ça, hein, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, oui, je vois qu'il y a des entrées, des monuments du rap français qui arrivent dans le studio. Hein. C'est ça, il y a une grosse légende là encore. Il y a une autre grosse légende qu'on va peut-être présenter. Bah, tu sais qu'on va mettre le morceau. Ouais. Et puis après on présente un petit peu tout le monde. C'est parti. C'est un extrait de ton projet Sur la route qu'on peut trouver un peu partout. Tout à fait. Morceau avec Driver. À la base. Nocturne, coup d'envoi, c'est 100% rap français. Avec Lantis, c'est avec nous. On s'abandonne au fil du temps et on est porté par le flot et au final qui est content. On sait pas de quoi demain sera fait mais on se bat entre nous et en même temps. On est paumé à la base, tombé à la base, franchement. Arrêtons de croire les conneries des médias, faut qu'on fasse un ménage étrangement. J'ai jamais trahi pour un buzz, je ne fais que rapper mes messages et quand je mens. C'est toujours pour une paire de fesses ou pour une histoire de pèse. Alors non, je fais pas semblant. J'ai comme la pointe de la lame, en un seul mot je les blesse. Il faut qu'on stoppe ça, chope ça, le peur à ça, les chocs ça. Va falloir hip hop ça, finir dans le top ça. Fait longtemps que je donne ça, les amateurs pick up ça. Les politiques ignorent ça, poser comme des lobes ça. Ils n'ont rien dans le froc ça, veut dire que je viens pour rapper et créer le choc ça. Fait longtemps que je donne ça, les amateurs pick up ça. Politiques ignorent ça, poser comme des lobes ça. Je veux les choquer à la base, choper à la base. J'suis opé à la base, on peut pas me stopper à la base, dis-leur. Un flow recherché à la base, dis-leur. J'suis venu mériter ma place, dis-leur. J'ai venu choquer à la base, choper à la base. J'suis opé à la base, dis-leur. On peut pas me stopper à la base, dis-leur. Un flow recherché à la base. Un cocktail, une grosse voix et un cheeseburger. T'imagines tout de suite qui est dans le secteur. Je fais rien comme tout le monde, j'suis pas de cette race là. J'veux finir dans Zion, big up à mes rasta. J'ai une meuf qui roule des joints et tu sais ce qui est fou. C'est que c'est juste pour l'odeur parce que j'fume pas du tout. Tu peux pas stopper ma percée, je peux te voler ta fiancée. Tu te feras martyriser, faut pas penser à balancer. J'suis pimp à la base, j'm'en bats la race. J'fous le feu et j'me casse, pyro drive et le blaze. J'suis clean dans mon peura, je partage mon aura. J'fais un smack à l'aura, j'suis le meilleur à l'oral. Le rap c'est mon casse-dalle, la plupart des M6 valent. Moi j'habite au-dessus du lot dans le 95 Val. Tu me trouveras à l'extérieur en train de jouer du tam-tam sur des postérieurs. J'suis venu choquer à la base, choper à la base. J'suis opé à la base, on peut pas me stopper à la base, dis-leur. Un flow recherché à la base, dis-leur. J'suis venu mériter ma place, dis-leur. J'suis venu choquer à la base, choper à la base. J'suis opé à la base, dis-leur. On peut pas me stopper à la base, dis-leur. Un flow recherché à la base, dis-leur. J'déconne pas. Depuis que je pousse mes limites, j'ai l'impression de m'éloigner de la base et la ronda. M'a toujours dit, fils, n'oublie pas ton nom, il était là avant ton place. Et te trompe pas, surtout ne trompe pas. Et si tu ne trompes pas, qu'auras-tu appris sur la route et ne fonce pas. Tête baissée, même blessée, prends le temps d'écouter quand les hommes parlent. Et on s'en fout de l'opinion de ceux qui veulent te voir échouer, mais ne dors pas. Y'a tout un tas de fils de pute qui te guettent et qui demain vont te louer, ça ne m'étonne pas. Tant qu'il y aura tous mes boucs autour de moi, m'impossible que ces bouffons me détrônent, car. Et même tête baissée, même blessée, on vous étonnera. J'suis venu choquer à la base, choper à la base. J'suis opé à la base, on peut pas me stopper à la base, dis-leur. Un flow recherché à la base, dis-leur. J'suis venu mériter ma place, dis-leur. J'suis venu choquer à la base, choper à la base. J'suis opé à la base, dis-leur. On peut pas me stopper à la base, dis-leur. Un flow recherché à la base, dis-leur. J'suis venu choquer à la base, dis-leur. On peut pas me stopper à la base, dis-leur. Un flow recherché à la base, dis-leur. J'suis venu mériter ma place, dis-leur. Non, non, à part mon rap, qu'est-ce qui peut me sortir de ce lourd. Je me pose la question. On s'abandonne au fil du temps et on est porté par le flow. Un nouveau son. C'est la Nocturne, c'est 100% rap français. C'est monsieur Lantis au contrôle de la Nocturne avec son projet qui est dans les bacs. Ça s'appelle Sur la route et le morceau qu'on écoutait à l'instant. À la base, dans la Nocturne. Et pas tout seul d'ailleurs sur ce morceau. Non. Avec monsieur Driver qui est là, qui vient de faire son entrée dans le studio. C'est clean. Comment ça va, Driver? Très bien, et toi? Eh ben écoute, en pleine forme. Ça va. Depuis tout ce temps, comment toi t'es tombé sur Lantis? Comment vous êtes connectés tous les deux? Ben, parce qu'à la base, je suis connecté avec DJ Mist. Mmh. Grand DJ, grand producteur. Connu la légende, partout dans le milieu, la légende, comme on le dit, on l'appelle. Hein. Donc voilà, c'est lui qui m'a connecté, dans, qui m'a mis dans tout ce projet. Et bon, moi, c'est toujours au feeling. Je dis, fais-moi écouter. Si j'aime, je fais. J'ai aimé tout de suite. T'as aimé l'ambiance du garçon? Voilà. Le talent, tout ça. Le talent du garçon. Exactement. Tu préfères d'ailleurs, ouais, parce que je dis Lentis, mais tout à l'heure tu m'as dit, ouais, on peut dire Lentis aussi. Ouais, tu peux même dire Tis. Tu peux même dire. C'est pas grave. Non, mais toi, personnellement. Moi, j'aime bien les deux à force. Hein. Parce que en fait, c'est, à la base, c'était Lentis, mais. C'était Lentis. Ouais, c'est comme Youssoufa a commencé à dire Lentis, tu vois. Après Mist a suivi, non, Mist a commencé, Youss a suivi, du coup maintenant. Bah, il y a pour le côté Quinri, pour le côté français, quoi. Donc, ouais, voilà. Un coup on sera outre-Atlantique, un coup on restera ici. C'est ça. J'ai un blaze bilingue en fait. Tu veux nous présenter aussi d'autres personnes qui sont là, ouais. Parce qu'il y a un gros live qui se prépare, je le dis, hein, tout à l'heure, session live, ouais. D'une trentaine de minutes avec toi, hein, et tes acolytes. C'est ça, c'est ça. Donc il y a les membres de mon groupe, la Red Boom Squad. Donc là j'ai ramené deux membres avec moi, Tiki O qui va se présenter. Bah ouais, donc Tiki O, Red Boom Squad, voilà. Artiste orléanais, jeune, beau garçon. Il y a Cartoon. C'est vrai que aussi. C'est important. Ouais, ouais, bah, mmh. Cartoon, artiste orléanais aussi, pareil, Red Boom Squad. Pareil Orléans, pareil joli garçon. Ouais, j'allais dire sinon tu vas faire des jaloux. Après on a ramené un peu de famille de partout, d'Orléans notamment. De Sarcelles, bah il y a Driver, bien sûr. Il y a mon gars Sherman qui est là. Je sais pas s'il va se présenter. Vas-y, viens, Mike. Il a levé la main, mais à la radio, c'est vrai que c'est compliqué. On est là. Bien tenté, bien tenté. Bien tenté, ouais. Donc, Sherman. Ouais, ouais, ouais. Ça va bien? Ça va, et toi, Fred? Eh bah, écoute, en bien. Pleine forme, ouais. Ah, ouais, ouais. Paré pour cette nocturnée avec Lentis. Ah, Lentis. Yeah. Il est venu donner de la force au frère, il nous a appelé. Et puis, obligé de répondre présent. Hein. Voilà. C'est un projet qu'on trouve en digital et en physique aussi, les deux. Ouais, c'est ça. On peut aller cliquer si on le veut tout de suite, par exemple, si exactement. On ne veut pas attendre demain les magasins. Tout à fait. Sinon, tu peux le retrouver sur iTunes, tu peux le commander sur Amazon, sur la Fnac, Leclerc, Google Play. Et voilà, c'est à peu près tout. Hein. Et bon, on va remettre peut-être un morceau pour découvrir aussi ton univers de ce projet. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on met? On part sur Je me pose. Je me pose. Ouais, ouais. Un petit mot aussi sur les gens qu'on bosse avec toi au niveau des producteurs sur ce projet. Ouais. Bah écoute, on a eu Sound Brothers sur le morceau Sirius Black avec Missa, que je pense que tu connais. Mm-hmm. On a eu Boston Beam justement sur le morceau Je me pose, qui est un morceau reggae, entre guillemets. On a eu mon gars Rohan qui est là aussi, je crois, qui a posé justement, qui a bossé sur la prod à la base. Et on a eu Les Bet Music, on a eu j'oublie des blazes. Bah tu as le temps pour les refiler avant la fin de l'émission, ouais, t'inquiète. Thunderbolt aussi, ah mes gars Thunderbolt qui ont bossé sur For Life avec Sam Salivor que tu connais bien déjà. Mm. Et voilà, c'est à peu près tout, si j'en oublie désolé, mais Genetic aussi, et je crois que c'est tout. Et si jamais ça te revient, n'hésite pas. Ouais, je te balance ça direct. Je me pose, c'est ce qu'on écoute maintenant, c'est extrait du projet qui est dans les bacs. Comme un bâtard, aucune minute de répit, je me sens toujours un bâtard. Ouais, on m'a dit tu peux le faire, alors j'ai pris la route. On sait que la vie est dure et que les épreuves sont courtes. J'ai pris mes vibes au kilo, j'écris mes lines tranquilles. Aujourd'hui je suis personne, mais demain je serai un killer. L'important c'est d'y croire, c'est le dicton. J'ai misé sur le talent avant le piston. Et laisse-les croire qu'on n'est pas de taille. Il paraît que demain est un nouveau jour. Ouais, mon plan est sûr, il n'y a pas de faille. J'ai passé l'âge de me la couler douce. Y'a peu de monde qui y croyait, mes rêves n'en sont pas noyés. En fait je me sens encore plus fort. Ils voudraient tous me voir broyer. Je les vois tous aboyer et ça me rend toujours plus fort. J'ai de la technique dans les baskets, un flow multifacette. La défaite j'en ai assez, mais je peux pas renier le passé. Rien ne doit s'effacer, des espoirs j'en ai placé. Je m'écoute pas mais qui le fera. Et jusqu'à l'overdose, écrire mes pensées en peu rare. Il faut que je me pose. Si je m'écoute pas, mais qui le fera? Et jusqu'à l'overdose, j'écrirai mes pensées en peu rare. Tellement de raisons de baisser les bras, raison de rester là. Quoi faire, je ne sais pas, mes défauts, je m'en sépare. Il faut que je me décide à terminer la route. Il faut que je m'écarte de tous mes putains de doutes. Je peux plus me reposer sur mon entourage. La peur du lendemain doit devenir mon courage. Ils peuvent toujours me dire que je me trompe. Quel que soit leur nombre, ils seront toujours trop peu. Ma vie est sûrement pas la plus facile. J'y crois parce que Kutsan m'a toujours dit vas-y. Et si demain je suis bon pour l'asile, c'est que je serai fou de ce que j'ai accompli. Il faut que je réfléchisse, il faut pas que je fléchisse. Plus profond est le précipice, et moins il faut que je fléchisse. Non, et je peux pas relier le passé. Rien ne doit s'effacer, désespoir j'en ai placé. Je me pose. Si je m'écoute pas, mais qui le fera? Et jusqu'à l'envers d'eau, j'écrirai mes pensées en peu rare. Il faut que je me pose. Si je m'écoute pas, mais qui le fera? Et jusqu'à l'overdose, j'écrirai mes pensées un peu rares. Faut que je me pose. Si je m'écoute pas, mais qui le fera? Et jusqu'à l'overdose, j'écrirai mes pensées un peu rares. Il faut que je me pose. Si je m'écoute pas, mais qui le fera? Et jusqu'à l'overdose, j'écrirai mes pensées un peu rares. Planète rap. La nocturne. For life. For life. Jusqu'à la mort. On fait les bails. J'ai le mort. T'as négligé la SO. T'as eu tort. Bienvenue dans le vaisseau. T'as le pas tort. Gladiateur, je sors de la salle du temps. On remet les pendules à l'heure à ces débutants. On est des mutants. On arrive en les butant. J'aurai toujours plus de voix et de flow que mes mains la mutant. Je dégaine dans les games. J'ai la haine. J'ai la peine pour les mènes que je mène. Je m'amène mon domaine. Je mets les gemmes. Je mets les gens mal. J'enchaîne les faits mal. Lancer l'arsenal. C'est la guerre. Ok, et je déterre. Chanter et tu prends cher. Chanter et je sais faire. Nous stopper la chaleur. Top je le vis, stop tu le vis. Faut que j'élimine tous ces MC no life. Oh mais j'arrive choc que le hip hop en vie. On est des vrais for life. Je crois que la vie rentre les petits. On fait des crimes quand on est devant le mic. Des milliards volent pas mes bijoux de famille. Good night. On est ce qu'on est. J'ai beau essayer de chez Jean. Noyer mon ego remonte quand je descends. Méchants et vrais sont méchants. Des brûlures de la mécaire, y'a vide, éternel ami, les élégants. For life, for life. For life, for life. Si c'est cher d'être vrai, je paierai les frais. For life, life, life, life, life. À la base on m'a dit de jamais changer. For life. Même pour les femmes et les thunes que t'as engrangées. For life. Face aux obstacles faut rester fort, faut pas flancher. For life. Si t'es pas dans le mieux c'est dégager le plancher. Fuck les faux qui n'ont pas de syntaxe. Dis-leur que le tis n'est pas sympa. À chaque mesure on passe un cap. Déterminé depuis le placenta. Dreamer d'élite, avide dans mon délire. Frappe balotélique, rapide comme un Philippe. Les gens qui parlent beaucoup ne sont pas certains. Inutiles comme des ados qui n'ont pas de portable. Sur le net ça sent insulte en vrai y'a plein les trous. Vrai for life demande à Big Jim. Alléluia. À la base on n'a dit pas de mots de travers. Si je me démarque c'est que je sais de quoi l'autre a l'air. J'suis unique ma gueule aussi rare que le sunshine. Aussi bruyant qu'un gunfight. Aussi lourd que mes punchlines. Quelques scratchs c'est bouffon se croit à Brooklyn. J'suis la relève avec le soin qu'a Horacio Kane. Ok. On est ce qu'on est, j'ai beau essayer de chez Jean. Noyer mon ego remonte quand je le descends. Méchants et vrais sont méchants. T'es prévenu l'ami, guerrier à vie, éternel ami, les élégants. Fort. On me croyait tête pour ça, il en faut beaucoup. Sors tous de la salle du temps, descends du monde mieux beaucoup. Venez vous faire un petit coucou, vrai Kaisoku, nous sommes beaucoup. Certains ont leur maître Yoda, moi c'est Fuka, Fukazaku. Elle va la dire que des big boys, Yama. Faire mieux ta tête comme au ping-pong, Yama. Que le zé qui compte, obnubilé par le fric, flow King, King, King, Kong, Yama, Tema. Le somme du quartier vient de Tema. Champion dans la street, pris en chasse sur un T-Max, T-Max. Et pour les brailleurs, t'as le fusil mitrailleur, cric, cric, cric, boum, fais le schéma, Tema, Tema, Tema. Te compare pas au rap de qualité, ma quelle t'as pas idée de la folie, je flingue en toute légalité. Tango démarrage, mec, on flingue donc tout doux. Dehors, c'est la jungle, si tu parles, mec, tout doux. Crac, on fait les fils, débarque en ville, on raconte, puis on se tape la fille, la vieille, on flingue même le tout doux. Relève-toi, j'ai à peine commencé. T'es sur la scène du crime et t'as la crème, on va pas romancer. Ranger, c'est Trini, Kaki. Garde contact par Taki, Waki, Maki. Reste intact du tac au tac, de black et plaque de Paki. Sur le terrain, c'est la guerre. Envoie la boisson sous le poison. Et je crache un flot mortel, 2014, j'envoie la foison. Avoue que t'en deviens chauve, je suis bête, mais je suis pas chauve. C'est du beau maillet for life, change pas d'équipe, tu m'appelles pas Tovin. J'ai beau essayer de chez Jean, noyer mon ego remonte quand je le descends. Méchant et vrai sont méchants. T'es prévenu la mécaille à vie d'éternel mille élégants. For life, for life, for life, for life. Si c'est cher d'être vrai, je paierai les frais. For life, life, life, life, life. C'est la nocturne 100% rap français avec Monsieur Lantis et son projet. Un morceau où on retrouvait d'ailleurs justement, t'en parlais de Sams, de l'équipe de Beaumaillet qu'on salue. Yes. Alivor aussi qui lui vient du Havre, hein, si je ne me trompe pas. Dean Records. Dean Records avec For Life, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. C'est extrait de Sur la route, le projet de Lantis. Avec dans un instant un gros freestyle qui se prépare. Je crois que tu voulais nous présenter quelqu'un qui est au micro. Ouais, parce que j'étais impoli là tout à l'heure, j'ai oublié, mais il y a une demoiselle là dans les studios. Tu peux te rattraper en disant je garde le meilleur pour la fin. La plus belle pour la fin. Tu peux essayer de te rattraper comme ça, alors je te garantis rien, mais tu peux. Ouais, c'est ça. Donc c'est une artiste que j'ai écoutée sur internet en fait, qui fait pas mal de covers et qui envoie du très très lourd. Donc je vais pas en dire plus, ça va se présenter toute seule. C'est mademoiselle Émilie Manois. Bonsoir mademoiselle Émilie. Bonsoir, bonsoir. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, bienvenue dans cette nocturne consacrée à Lantis. Merci. Petite présentation, petit CV express ? Oui bien sûr, donc je me présente, je suis Émilie Manois. Donc j'ai 20 ans, j'ai commencé à faire des covers il y a un petit moment déjà. Donc notamment avec la chanson de Quebla, tout va bien. Cover qui a assez bien tourné, assez bien marché. Donc entre temps j'ai continué les covers et puis... Voilà. Et puis tu traces ta route. Exact. Sur la route, normal. Tout à fait. Donc c'est quoi pour toi l'avenir? Par contre, il y a des sorties, il y a des choses qui se préparent. Il y a un projet avec Rohan notamment qui est présent ici. Et voilà, un projet, un album et puis que du bon. Et où est-ce qu'on peut te suivre alors s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur donc, toi? Donc sur Insta, c'est Émilie Manois avec deux A à la fin. Manois. Voilà, Manois. Et sur Facebook, pareil, Émilie Manois. Émilie Manois, donc guettez bien le nom. Avec Lanty ce soir d'un acteur, on t'écoutera chanter aussi peut-être en live dans quelques minutes. Tout à fait, ouais. Elle va ouvrir le bal en fait. Ah. On est rodin. Tu vois que t'arrives à être classe parfois. Bon, on repart sur un ou deux derniers morceaux avant le live. Ouais, carrément. Je sais pas, comme tu veux, c'est toi qui décides. Ouais, on repart sur deux morceaux. Deux morceaux. Ouais. Le premier c'est. Péter des nuques. Péter des nuques. Ouais, c'est vrai. En plus, il est bien marqué sur. On peut pas se planter sur l'album. Allez, c'est un extrait du projet de Lanty qu'on écoute maintenant. C'est la nocturne Lanty. Faut que tu bouges la tête, faut que tu bouges la tête. Faut pas que ça s'arrête, non faut pas que ça s'arrête, non. Je viens rapper des trucs, faire bouger des hucs. Je viens casser des nuques, je viens casser des nuques, ouais. Faut que tu bouges la tête, faut que tu bouges la tête. Faut pas que ça s'arrête, non faut pas que ça s'arrête, mec. Je viens rapper des trucs, faire bouger des hucs. Je viens casser des nuques, ouais, je viens casser des nuques. Yo, ouais. Le blaze est tiste, motherfucker même en freestyle. Les gens ne comprennent pas pourquoi mon entourage m'a prise blaze. J'ai plus d'un chemin dans ma carrière. Eh, ce n'est que le début, car je viens exploser barrières. C'est certifié, je crois que le hip-hop m'a fait les yeux doux. Je suis toujours partant, je suis le rookie qui vient semer le doute. Trop de punch, comme on rap, j'accouche d'une autre petite devenue grand. J'écrivais déjà sur mes couches culottes. J'ai de la peine pour tous ces pédés. Et quand je prends le microphone, je les entends tous crier Mayday. Et demande à ma team, c'est toujours du propre sûr. Appelle-moi Anakin, basculer du côté obscur. Et pour qu'on me respecte, pas la peine que j'en butin ma rime, le One Piece. Ils veulent tous trouver le butin. C'est pas fini, en fait ce n'est que le début. L'avenir est bronzé aux yeux clairs et cheveux gris. Faut que tu bouges la tête, faut que tu bouges la tête. Faut pas que ça s'arrête, non faut pas que ça s'arrête, non. Je viens rapper des trucs, faire bouger des hucs. Je viens casser des nuques, ouais, je viens casser des nuques, ouais. Faut que tu bouges la tête, faut que tu bouges la tête. Faut pas que ça s'arrête, non faut pas que ça s'arrête, mec. Je viens rapper des trucs, faire bouger des hucs. Je viens casser des nuques. Ouais, je viens casser des queues nues. Faire comme quand y'a que nous. Avant de placer des quenelles, paraît qu'il faut être connu. Alors je rappe mes versets, les lèvres en finissent gercées. Quand on m'entend, c'est le coup de foule. J'suis le daron à percer. 8 ans dans le fond, c'est qu'aujourd'hui que je m'expose. J'suis comme un grain de maïs, plus on me chauffe et plus ça explose. Donne à moi 4 team, que des boucs frais, des boucs prêts. Oh. Des bouches pleines, que des boucs frais. Avec mon flow j'ai déjà presque failli me noyer. Ma plume est prête, je vais enfin pouvoir payer mon loyer. Faut que tu bouges le huc pour trouver le bon gars. Je vais ramener tous mes potes, faites péter les bandas. Je vais faire bouger les seins, je l'avais dit dès le début. Pas besoin de vous faire un dessin, j'ai pas très bon rébut. Viens péter les nuques, papa, ils voulaient pas me croire. Alors je fais mon truc, papa. Faut que tu bouges la tête, faut que tu bouges la tête. Faut pas que ça s'arrête, non faut pas que ça s'arrête, non. Je vais rapper des trucs, faire bouger des hucs. Je viens casser des nuques, moi je viens casser des nuques, ouais. Faut que tu bouges la tête, faut que tu bouges la tête. Faut pas que ça s'arrête, non faut pas que ça s'arrête, mec. Je viens rapper des trucs, faire bouger des hucs. Je viens casser des nuques, moi je viens casser des nuques, ouais. Le tissu est OP, faut-tu développer. Ta nuque est bloquée, bloquée, bloquée, bloquée. Choqué, les gars sont choqués. Ma team est dopée. OP, faut-tu développer. Ta nuque est bloquée, bloquée, bloquée, bloquée. Choqué, les gars sont choqués. Ma team est dopée. Choqué, OP, faut que tu bouges la tête, faut que tu bouges la tête. Faut pas que ça s'arrête, non faut pas que ça s'arrête, non. Je viens rapper des trucs, faire bouger des hucs. Je viens casser des nuques, ouais, je viens casser des nuques, ouais. Faut que tu bouges la tête, faut que tu bouges la tête. Faut pas que ça s'arrête, non faut pas que ça s'arrête, mec. Je viens rapper des trucs, faire bouger des hucs. Je viens casser des nuques, ouais, je viens casser des nuques, ouais. Bad music. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Yo, Red Bull Squad. Yo, miss. Ton pouc sérieux. Black, black, retenez bien la gueule du black. Ok. Retenez bien la gueule du black. Ok. Confonds pas la tête et l'esprit. Ça veut rapper mais c'est trop de speed. Fais froid dans le dos, demande à mes sbires. Parlez pas trop, rends pas les faux speech. Je me mélange pas, je suis pas de ce monde. Je suis galactique, pas comme un Barcelone. Que Dieu me garde, j'ai le flow et l'hostie. Je reste à White, allez Lilo et Stitch. Ils savent plus quoi faire quand je prends les mains qui sont dégoûtés. Je les envoie par terre ça les déboussole, ils sont déroutés. Ok, force naturelle, tête de con et cerveau rempli. Quand ils se comparent, ils pensent toujours de tant mieux à tant pis. Va jamais croire que si je rappe, c'est que j'ai ce qu'il suivre les études. Faut bien qu'on mange et puis la fac, j'y ai bien trop les études. Quoi dire, quand j'aurai la coupe dans la paume de mes mains, je peux plus me laisser moisir, moisir. Faut que je monte, c'est quoi le monde de demain, je suis un mutant. Chaque fois que j'élimine, fuck le préliminaire, forte des dérinaires. J'ai plus le temps. Chaque fois que j'élimine, fuck le préliminaire, forte des dérinaires. J'ai plus le temps. Indispensable pour mes frais, comme un bol de Kellogg's. Et si le monde est sous mes pieds, je mettrai des skates pas chez Ox. Plus j'observe et plus je vais yeah. On va de l'avant mais quoi qu'on fasse. Lentis retenez bien la tête du fou face au noir. On peut perdre en pantorce des grands noirs pas. Serious, serious black, haha. Serious, serious black. Bande d'enfoirés. Serious, serious black. Ils m'auront tout. Lentis. Ce parcours de ton waka. Il m'entend mais tes négros me voient pas. Sous ma cape je vois toute cette joie. L'EP toujours dans les bacs. Je t'en bats la main au bras cassé. M'en veux pas mais je me méfie de vous tous. Fallait pas venir m'agacer. Si je check ce sera que par bluetooth. Ta copine m'appelle pas de ma baguette. Baisse ma baguette. Alléluia. Pourrais lui la mettre. Tu ferais la même. Baisser ta baguette. Alléluia. Sérieux c'est le timal qui se promène dans ma tête. C'est les pistes d'animation que tu retrouves dans mes marquettes. C'est mon Renoir dans les hanches qui me dit de représenter. C'est un bail de famille qui veut préserver ma santé. Sur la tête des WEC, dis-leur qu'ils peuvent boycotter et cours après le les Sound Brothers à la prod. J'perdrai pas la foi, non. J'ai kické que des foisons. Je bute en passant crime. Mes négros m'appellent poison. Indispensable à la survie de mon art. J'ai plus d'une corde à mon arc. J'ai le feeling de Mozart. Plus j'observe et plus je suis tuber. On va de l'avant mais quoi qu'on fasse ils veulent nous tuber. Retenez bien la tête du fou face au noir. Car t'as peur de perdre en bombant le torse. Négro noir pas. Serious, serious, black. Vous m'appellerez. Serious, serious, black. Bande d'enfoirés. Serious, serious, black. Ils m'auront tout. C'était pour ma boîte, on reprend tout dans tes rêves. Rap pendant que tu bédaves. Quoi? J'perds pas mon temps. Non, non. J'suis en live de la cave, casquette baissée par devant. J'passe voir tous mes rois à Nanterre. Jets. À tout le monde, vous voulez trop plaire. Yes. Même mes pas tous en est rebeux, rebeux, j'te le jure sur le ciel, les oiseaux et ta mère. J'ai des dettes sur ma visa, ça change pas ma vision. À part si j'ai teasé, à part si j't'ai visé. Et si j't'ai visé, c'est pas au 12 coupé, c'est au putain de flow qui va m'acheter 12 coupé. Ouais, tu m'as loupé et loupé, j'vais pas écouter tes couplets. Si j'vois entendre parler de bic, ravé de bif, poteau, j'prends l'ascenseur et puis j'descends au quartier. Comme ça sur ma chaîne en or, acheté à la sueur mes efforts. J'me lasse pas de vous lasser, ouais c'est un sentiment fort. Je le ferai encore et encore. Et encore et encore et encore et encore et encore. Sur le son tu t'endors? Comment? Est-ce que je suis vrai? Vraiment. Et ouais je les baise aisément. Ouais je suis pas clément. Ça c'est mes démons. Je peux rien y faire, ouais c'est gênant. Au moins ils me bénissent. Ouais même mes démons me bénissent. Mais je suis encore pour le 3-7 comme au tennis. Chaque instru a pris mon sub. Au studio je tape pour faire des bébés métis. Ouais j'agrandis la famille et ouais je m'assure d'être aussi performant que mon pénis. Mon pénis. Mon pénis. C'est la Nocturne 100% rap français avec Lentis. C'est le projet Sur ma route, ouais, ouais. Sur la route qu'on écoutait à l'instant. Sirius Black, hein. C'est ça, avec Missa. Avec Missa. Artiste canadien. C'est ce qu'on écoutait, ouais, Missa, très fort aussi. Très très fort. Un petit mot sur toi, ce qui t'a bercé, parce qu'il y a Driver qui est là, donc je suppose qu'il fait partie des gens que t'as beaucoup écouté aussi. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai bien aimé Matt Dolce Vita. C'est vrai. Bon. Driver. Ouais, il y a Driver. C'est une chanson, c'était une chanson comme une autre. Une jolie chansonnette même. Voilà. Mm-hmm. Et il y a aussi Bayous, bien sûr. Youssoupha, ouais. Youssoupha. Brasco, j'ai aussi pas mal écouté de Brasco. MC Solar aussi un peu, quand même. C'est, il est fort. La base. Ouais, la surbase. La surbase. En Mwaka, parce que j'ai écouté beaucoup d'Antillais aussi. J'ai surtout écouté à. Admiralty, Young Sheng. Plus partie dancehall. Ouais, plus partie dancehall, mais il y avait quelques morceaux hip-hop, tu vois. Donc j'ai pris un peu de leur flow, je pense, sur certains morceaux. Et en France, c'est à peu près tout, hein. Je suis plutôt aucun. Aux États-Unis, j'aime bien écouter J. Cole. J. Cole, ouais. Ouais, J. Cole, j'aime beaucoup. Ça va, bonne référence, Driver, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Validé tout ça. J. Cole, très bien, mais moi, je suis un grand Antillais, même si je suis pas Antillais. Donc Young Chang MC, très bien aussi. Ah, ça fait plaisir. Donc voilà, j'en place une pour tous ceux qui écoutent du zouk. Ah, très important le zouk. Ah bah, en ce moment, ouais. Tu vois? C'est très important de zouker en ce moment. Exactement. Ouais, ça détend tout le monde, ça fait du bien. Voilà. Puis, c'est la fin du ramadan, là, vous pouvez. Ah bah là, ça peut. Ça peut zoquer sévère là. Eh bah tiens ouais, bonne fête à tout le monde d'ailleurs. Yes yes. Et j'ai oublié de présenter quelqu'un tout à l'heure, ouais. Grande impolitesse. Il y a mon gars Franklish qui est là aussi. Franglish qui fait partie de la nouvelle génération aussi, qui va se présenter. Voilà. Et qu'on retrouvera aussi au freestyle. On va attaquer le freestyle là maintenant. Hein. Ouais, on va pas tarder. Hein. Ça va ? Ça va et toi Fred ? Ouais, en pleine forme ? Ça va. Bah vas-y, bien. Comme pour tout le monde, petite présentation express. Petite présentation, Monsieur Franglish, parisien, Paris Est. On est là depuis maintenant 2 ans et demi, on a sorti 2 mixtapes, Franglish Prototype et Changement d'ambiance. La dernière, elle est sortie le 9 mars. Et on peut toujours la trouver. Exactement, voilà. Sur hauteculture.com. Bon bah si tout le monde est prêt, on va pas tarder à attaquer. Tiens Driver, j'en profite pour toi, savoir ce qui se passe. Driver, il y aura des sorties en 2015-2016. Bah là déjà il y a 2 semaines, j'ai sorti un EP 6 titres gratuit sur aussi hauteculture.com. Qui se passe super bien. Actuellement on est numéro 1, je me la raconte. Bah t'as raison. Donc voilà, dessus on retrouve A2H, on retrouve Genia, une super rappeuse de Nice. On retrouve aussi Chrissé, qui est un rappeur argentin. Donc voilà, on va faire les clips, on va promotionner le truc comme il se doit. Donc allez sur hauteculture.com, téléchargez GoFast, vous ne serez pas déçus. Allez suivre, merci en tout cas d'être là. Tout le monde est prêt, on peut attaquer le live. Let's get it. Allez, c'est parti, coup d'envoi maintenant. Le live de cette nocturne, Lentis au contrôle. Et le projet sur la route qui est dans les bacs. C'est ça. C'est qu'un série que je viens te dire qu'on ne peut plus continuer à se mentir et s'accrocher. Oublie, tu m'as trop blessé avant de te lâcher des mots déplacés. Je viens te dire que nous, entre nous, quelque chose s'est brisé. Ton cœur m'a rendu paranoïaque. J'ai l'impression de me noyer. Mais mon chéri, je sais que c'est dur. Donc lâchons-nous. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais mon chéri, je sais que c'est dur. La force de notre couple était mon trophée. Non, non, non, je viens te dire que nous, entre nous, quelque chose s'est brisé. Je viens te dire que nous, entre nous, quelque chose s'est brisé. Ton cœur m'a rendu paranoïaque. Emily Manoa. Moi tu étais tout. Ok. Je sais que c'est dur. c'est dur. Ok. Yeah, yeah, yeah, du bruit pour Émilie. Du bruit, oui. Oh. Merci, merci. Très, très fort. À suivre de très, très près. Yeah. Ok, nocturne, t'entends. Yo, hey, yo, Mist, t'es où? Je te vois pas. Ça crie pas, là. Laisse-moi faire, négro. Yo, yo, yo. Laisse-moi faire. Cherche pas, j'ai pas l'idée. Laisse-moi le trône. Ouais, c'est ça l'idée. Laisse-moi faire. Ok, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Okay. Yeah. Laisse-moi faire. De là, non, je veux conquérir le Mordor. S'ils pensent que je suis hors de moi, dis-leur que je suis juste hors. Non, mon rap c'est du jamais vu. C'est ce que m'a dit Gilbert. Non, je suis pas un camp dans le seul bac et dans le frigidaire. Et je tuerai personne pour atteindre le top. Si tu m'attaques, je te réponds. Mais sans ça, on peut devenir potes. Le rap c'est comme un oula ou pour un peur mondiaux. Donc si je mets la barre haute, c'est que je veux soulager mon dos. Je me sens toujours plus fort. Si je perds, ça compte pas. Schizophrène, je peux perdre et gagner dans le même combat. Ma passion c'est la zik. Oublie la thug life. Aucune arme dans la poche à part mon kilo de punchline. Cherche pas, j'suis validé. Laisse-moi le trône, ouais c'est ça l'idée. Laisse-moi faire, ok. Laisse-moi faire, laisse-moi faire, okay. Driver, laisse-moi faire. Yeah. Drive, drive, oh. C'est clean, c'est clean, c'est clean. Ok. La chose est simple. Yo Drive, Marcel dans la maison. J'suis un big boss, pas comme Ross, plutôt comme Bruce Lee. Pas de souplesse, mais ça se passe pas trop mal au lit. Moine Shaolin, bise à Caroline, au risque. Si tu me cherches, je suis dans le jardin de Gabriel Solis. Thatcher, soliste, champion récidiviste. Jette un pavé, mon nom gravé, avis en haut de la liste. Trouble fait, je ne viens dans la tienne que pour bouffer. J'te conseille de mettre la sécurité devant le buffet. Mon style vient t'étouffer, le flingue et l'oreille. Je suis clean mais je fais ça le taf parce qu'on m'a payé. C'est clean, ok. Laisse-moi faire, ok. Laisse-moi faire. Hey yo DJ, balance la prochaine prod s'il te plaît. On est à la nocturne avec Fred Musa, c'est Skyrock. Mon gars Cartoon, prends la suite s'il te plaît. Yo Cartoon, Red Boom Squad 4AM, t'entends sur Haute Culture. Yeah, c'est la famille. C'est Tunka, Red Bull Squad. Ah oui. Ça fait Underworld. Underworld. Bang, bang. Yo, Red Bull Squad. Mad comme c'est nous bijac. On va les faire danser comme elle poussica. Apologie de quoi les médias nous mitraillent. Va t'instruire ma belle, arrête les boutiques. Ma voix est marquante, gros, n'oublie pas. Les moutons sont pris des paniques face aux loups qui parlent. Les loups qui parlent. Underworld, le monde sous des pieds jaunes de l'Underworld. Mad comme c'est nous bijac. On va les faire danser comme elle poussica. Apologie de quoi les médias nous mitraillent. Va t'instruire ma belle, arrête les boutiques. Ma voix est marquante, gros, n'oublie pas. Les moutons sont pris des paniques face aux loups qui parlent. Les loups qui parlent. Underworld. Je viens de l'Underworld, négo, sache que je vois même quand je suis amoureux, t'as voulu m'entuber, t'as foiré maintenant, à vouloir tu baisses mes frères, ça va pas le faire. Moi qui étais, j'arrive en hélicoptère. Non, je blague, ah mon issue, c'est vrai que le capitaine Jack Sparrow. Je vise mes rêves, je te vois pas, tu me fais perdre mon temps. Je te parle pas, après 14 ans, on enchaîne bouffi. Trop donc t'achètes de grills. Mais c'est qui ce mec, il est comme au hasard. Ou baiser en sous-marin comme l'Ohana. Oh là là, il est vulgaire, mais mon gars, ça fait bien longtemps que j'aurais dû le faire. Ou j'ai du flair, loup-garou, ça tabasse normal, j'y grenouille. Jacou, ma comme c'est l'oubli Jack, on va le faire comme les poussicats. Apologie de quoi les médias nous mitraillent. Attends, sur ma belle, arrête les boutiques secs. Ma voix est marquante, gros, les n'oublie pas. Les motos sont pris de panique face aux loups qui parlent. Les loups qui parlent. Underworld, je viens de l'Underworld. Yo, balance ta prochaine prod, s'il te plaît, pour mon gars Franglish. Remets-moi cette prod, s'il te plaît. La même prod. Remets la même prod, s'il te plaît. Yeah, yeah, yeah, yeah. Lentis. Yeah, bang, yeah, yeah. Bang, sur la route, toujours dans les bacs. Mr. Franglish, yeah. Okay. DJ Mist. Red Boom Squad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. Hein, j'observe, yeah. J'analyse, je me renseigne. Incognito de cuisine. Dans mon labo, je dépends de personne. Je suis un polygro. Polygro. Tu vois le truc ou pas? Yeah, yeah, yeah. Frank, let's get it, let's get it. Panam. Panam. Hein, j'observe, j'analyse, je me renseigne. Incognito de cuisine. Dans mon labo, je dépends de personne. Je suis un polygro. Trois, je me pointe dans votre game. Pas là pour jouer, mais la gagne m'appelle. Parlons moins, agissons plus. Faut j'enchaîne, je te rappelle, il n'y a pas quoi à ma belle. J'ai la queue, cul des rages, le couteau dans le dos. À mes côtés, mes beurres, mes niggas. Vouloir m'arrêter, c'est comme jeter dans l'eau. C'est avec vos tanks, nos lames, on niggas. Vos nouveaux tracks sont mes anciennes maquettes. Si vous êtes à la page, je suis en couverture. Envoyez-moi des billets aux couleurs verdure. Qualité, quantité, la plupart de mes vertus. Et on sort mes links comme de la blanche dans le pif. J'ai blanche dans le pif. Pas de sang, pas de cœur, que vous faire du pif. Faire du pif. J'arrive pas à faire la merde, même si je vous ai mis. Yeah. Let's get it, tu connais mes gimmicks. Je m'en CLS, on sait nous, mais vu qu'ils nous laissent en reste. Surveille ta meuf que voit des SMS. Ah fuck des bitches, yeah, j'aime ses fesses. Let's get it, ok, let's ok, Lentis, what's up? Lentis, dealer, Lentis. Balance une foison, envoie. Tis, taille, moi d'enfant quand même en freestyle. J'en ne comprends pas pourquoi le comité m'a pris place. Plus d'un 16 dans ma carrière, hein. Ce n'est que le début, car je viens exploser par rien. Y'a pas le temps, mais je vois pas visu douche, toujours partant. Chill rookie qui vient semer le doute. Trop de pros, quand mon rap, j'accoute une note petite devenue grande, j'écris mes chats sur mes tests. Colentis prend le mic, fais tous pas crier mayday. Toujours cling cling mec, j'fais du propre sur rappelle-moi Anakin a basculé du côté obscur. Pour les faire taire, faut des tics que j'embute à ma pose One Piece. Ils veulent tous rappeler le butin, c'est pas fini, en fait ce n'est que le début. Le retour du bronzé aux yeux verts, je veux crépus. Sherman, c'est Sherman. Regarde mes paroles Valtier. Sur la route, toujours dans les bacs, dans la route disponible. Mr. Lentis se contrôle dans Lentis. Lentis, yeah. Sherman Lentis, de Dakar jusqu'aux lentilles, jusqu'aux Antilles. Autant pour moi. Jir, on est parti avec mon gars Lentis. Ok, passe-moi les sous, je suis le chapeau. Renoir, je suis le capot. Quelques billets verts, je laisse mes goons gérer ton raclo. La balle est dans mon camp ou dans ton corps, j'ai géré ma go. Je vais faire la quenelle du siècle, mon négro vesti comme Jaco. En mode loco vatos, tu liquides le monsieur et j'ai cramé ton équipe, la pute c'est Donnie Brasco. C'est pour mes thugs et narcos. Si tu l'ouvres, on te jarque les alligators de sortie. Mais au final, les larmes de sabo. Le trône, je vais le netco. Je te kill et je colle l'UNESCO. Depuis 2010, c'est rap pareil, c'est la ralco. No snitch, je veux pas netco. No shit, je veux pas netco. Le king et le commandant, t'es comme Lucho ou Negro l'alco. J'fais mon comeback, une dinguerie à Rampoco. Toujours fou et loco, Negro j'ai mon logo. De Dakar jusqu'au Togo, là le fou dans mon viseur. Toujours près du trigger, mon Negro j'suis le winner. Panamera fuck, blindé comme un fouteux. Renoir jeune et fougueux, ma bitch bouge le pouleux. German what the fuck, Bresson et la foule. Plus dur mettre ma couleur, c'est pour ça que j'écris mes textes sous le Sum sum il crie mais on le swag de bac. Mon Negro ma ville m'a mis la bague. Claire claire là, ils sont tous apeurés. 10 ou 7 millionnaires, mon négro, faut pas se leurrer. L'oseille est vert comme les habitants de Namek. Pour une question d'honneur, certains ont juré de la mettre. Quant à l'argent, y'a souvent jolie fille. J'prends ma revanche comme Tyson Holyfield. Négro, je... Chairman pour mon galantisme. J'ai plus de tours de magie qu'une parfaite michetonneuse. Chérie, j'aime tes pare-chocs, je suis ton auto-tamponneuse. Zig, zag, appelle-moi les talons, j'ai du talent, je parle italien, non là je mange, je fais mon malin. Brillant comme Paganelli, fou, Balotelli. Les meufs font des va-et-vient, pouc, balle de tennis. Je suis venu en paix, donc agite le drapeau blanc. Si jamais je suis armé, c'est juste pour tuer le temps. Dans Eva Mendes, Martina Hingis, je me fous des lois comme un branleur de Beverly Hills. Je suis doux, peau de pêche, tu ne seras pas déçu. Angelina ne serait pas jolie si Brad faisait le beat dessus. Donc monte-moi dessus. Anniversaire, tu serais déjà morte si on faisait le contraire. Retour du mangeur de steak caché. Je tire mon coup puis je file pas le temps de s'attacher. On plan jusqu'à l'infini. Négro faut que t'en finis pendant que tu te poses enculé. Tes arches fais que te voler ton public. On a tu pisses dans mes lyriques. Tu pompes mes gimmicks. Cherche pas à comprendre tout ce que je t'ai jamais. Ça je suis Diogène le cynique. Sensei dans mon art comme percé chez les grecs. Baston après le match. Tu te fais courser par ton check. Boxé par le school. Tu penses à Piab avant de dire faut rester. Cool, finis pas comme ton papa. Les gamines me choquent. 14 ans cloque. Puis ce roman, si ça arrive, va te faire foutre, motherfucker. Remplace ta par la coque. Non stop un poc. Imagine, je fais le zénith et va vouloir que je la saute. Lui. On fait des sous, on trouve à nous voir tout découper. J'épouse les courbes, ta fouf, c'est fou comment je déroute ces cougars. Tout ce que je fous là, je suis pas un de ces gros crânes. La banlieue a une voix, tu les tiens, c'est beau parleur. On rit, mais souhaite le malheur. Ah, je deviens président, B, je pète dans le son, lancé, je suis le braqueur. Grand écart, je creuse, grand écart. Entre les gars et moi, je prends des faves quand tu te rends le pétale. Sans les gants, je démarre, je prends du temps pour que coule le sang de ce schlag. En l'état, je mange des sons que t'es grand, déclare, tu tireras pas mes granges, tes armes. J'aime ce monde comme il est, si imparfait. Aussi vrai que mes putains de chicos seraient le parquet. Dans ma tête que des clips hot. Pas de sexe mais du hip hop. frappe. Tu me tombes sur la main, ça change en beatbox. Nigga, je me prends des vents sans arrêt, mais je suis jamais déçu. En espérant qu'un jour la prise du succès me souffle dessus. Ça peut jouer sur un détail, une mélodie qui fait mal et ça clic clic. Et puis bye bye. Et là je me dis, hey, mets-toi au travail. Tu marques à jamais le monde posé devant sci-fi. Pour gagner la guerre, gagner leur corps, faut que tu batailles. T'es pas le seul rêveur, alors bats-toi. C'était ma venue, c'est l'air dans les back back. On enchaîne quoi? C'est la prod de qui ça? C'est la prod de qui? Wow! Lentis, what's up? Fambich, il est chaud. En bas chez moi, ça part de faire du cash. Parle de meuf, parle de sap. Parle de. Parle de. De quoi tu parles, boy? Fuck, si la ligne est sur écoute, boy. Le téléphone est je tape à nos couilles, boy. Rap comme moi, tu rap comme les autres. Shit, vous avez du flow, mais ce n'est pas le vôtre. Même quand je suis vulgaire, je reste élégant. Donc si tu suces, bitch, ne mets pas les dents. Don't worry, mama, y'aura no drama. On n'utilise pas les bravas tant que l'ennemi bavarde. M'empêcher de prier, mais tu vas faire comment? Non, shit, comment? Hey yo, mon gars, Tiki. Tiki, je... oh, Red Bull. On débarque comme des gamins, mais les gars, faites pas les malins. Je t'étale, ça fait mal, hein. Je kick, ça ne fait pas de câlin. Vous pédalez tout en chialant, moi je suis calé dans mon salon. Bien installé, je me régale en voyant l'état de vos pantalons. Oh, quatre fois t'es déjà mort, et oui, t'es mal le phénomène. Je crache des métaphores et j'ai la force d'un héromène. J'avance au kérosène, là où le vent me mène. On a coupé nos chaînes, c'est clair, on ken ce qui nous gêne. Venez, venez, venez prendre des coups. Sans déconner, y'a quand les rasons que tu portes tes couilles. Pareil pour des boulets, planquez-vous. Surtout ne les perdez pas, vu que le temps s'écoule. Plaque qui débite et détruit des billes pour vous écraser. Quoi, tu défies l'équipe en aucun cas. Tu fais ce qu'il est qui te demande pas. Ce qui les chic, les idées fixes pour bien les casser. Non, mais c'est qui ces types, ces petits merdes qui voulaient clasher. Quatre mesures encore, il me reste. Niquer la prod, c'est facile, un peu comme les filles de l'Est. Non, je ne fais pas de la zig de test. Si t'es hashtag non présente, c'est parce que tu kiffes le jazz. Oh, oh, okay. RD, RD, MX, yo, squad, yo. Je fais de la rap, je fais du trap. Que de la bonne, oui, que de la frappe. Rainbow Squad, Moto Quad. Y'a des méchants parce que je sais où tu squats. Personne pourra me soulever, dans le game je suis entré. Vous pouvez pas me stopper, moi cher du million, je suis lancé. Je recèle, je suis arrogant, je fais ça depuis longtemps. Comme fumer de la weed ou consommer de l'afghan. Je baisse radicalement, je fais ça machinalement. Pour moi c'est trop facile, pour moi c'est trop easy. Je prends pas de codéine, encore moins de la cocaïne. Dans l'histoire je suis l'élu et toi tu es vaincu. À la pêche je suis assidu, je fais pas de sous-entendu. Mes rimes c'est des obus, bitch tu as la langue pendue. Je répète à la langue pendue. Pendue, pendue. Et oui négro tu es l'intrus. DJ mets-moi une autre prod s'il te plaît. Lentis Chairman Sherman, Franglish, Leroy. Sur la route, dispo Squad Driver. Parole Valtier. Ah, là je vais retrouver du monde là. Yo, yo, yo. Yo, ok. Yo. Yeah. J'ai appris la valeur de mes rimes à travers mes lèvres. Aujourd'hui je m'auto-forme à la fois le prof et l'élève. J'essaie d'avoir un message, un truc à véhiculer. Si je rappe encore c'est qu'il y a des thèmes à manipuler. Je touche à tout car je sens que tout me touche. Émouvant dès le début où j'envisage une double couche. Je veux que t'écoutes attentivement, peut-être que ça te parle. Peut-être que c'est ton kiff, non et toi tu calcules pas. C'est la zik qui m'a adopté, ne crois pas le contraire. Trop de bails à vous raconter, c'est pour ça qu'on traîne dans les couloirs du rap game. Parfois même je n'ai pas t'aimes, mais pas de blême, moi je vous emmerde car je n'ai pas de gêne. À l'abri du besoin, j'écrirai encore. Donc allez dire aux détracteurs que leurs propos les mettent en tort. Eh, je relance Pim, mais ayant quitté le rap car je lui ai tendu la main et lui m'a amputé le bras. Bang. Le rap c'est de la soupe, voilà les croutons. J'ai le son qui va envers les jalousies des débutants. Je remercie ceux qui m'écoutent et m'écouteront. Je suis calme avant la tempête parce qu'à mes débuts je faisais du vent. Si je m'éclipse, c'est que j'ai la tête dans la ligne. Le hip hop ça se vit, ça se ressent jusque dans l'allure. Tu veux que j'accélère, passe-moi du jack, man. Tu vois que tu passes ma red, c'est quand t'as que Benyoura sur chaque lèvre. Pas de magie, non, ma jolie, la machine est lancée, y'a plus que danser. Oh, tellement le fou, je suis prêt à changer de blase pour m'appeler l'océan. Et y'a mon équipe qui se marre à chaque parole. J'aime le rhum, les femmes, la liberté. Appelle-moi Jack Sparrow, je suis pas fou. Je sais que je peux pas vivre de mon art, seulement je suis sérieux. Juste quand il le faut, comme Nicky Larson. Je m'amuse dans le game et je sais pas trop quoi faire de ma vie. Vous faites des punchlines, je ferai des lines, mon ils se demandent pourquoi je m'arrête. Je suis sûr de moi donc je deviens têtu. Rien de commun avec ces gens donc j'évite les arrêts de bus. Oh shit. Je suis dans le building comme un portugais. Si ça parle pas de money, motherfuck, pourquoi m'importuner? Oh man, ma fucking clique boss all day. Jazz 31, jazz ou rendez-vous dans le hall, man. What the fuck? Trop de flow, je m'y retrouve plus. Retard sur la dette et tu finis avec un trou de plus. Let's get it. Let's get it. Pour le B, seul avec mes frères, je m'affilie. Système D à classe A, je m'embellis. Pour crier, I'm a boss, comme ce mec venu de Philly. Mick Millie, shit. Mes textes, les munitions et ma voix, et le Glock. Dans tes oreilles, je fais l'effet d'un coup de feu. À force de se prendre des portes, tu restes en bas du bloc. Balade, alcool, joint de bœuf. Never, never, être perdant, dealer, never. Tape jusqu'à ce que le jour se lève. Fringue les chocs, monte le level. Le vol est tenir au courant que jamais je lâcherai prise. Gardin, personne ne croit ce que tu dis. Et tu le sais que tout est faux, man. Pour qu'on les bande, nigga, nigga. Scotchés sont les femmes quand y'a ma bande, nigga, nigga. Je les graille tous et je les mets à l'amende, nigga, nigga. Ton mec n'a aucun style, il faut que tu changes de nigga, nigga. Mami, yeah, bitch. Yeah, yeah. Tu pars, mon pote. Ok. Hein? Yeah. Hein? Yeah. Pour le moment, évite le rêve. Fils une vendetta. Les soins de doigts de la crise de nerfs. Yeah. Un coup de film de guerre, je n'étais que téléguidé. Les mains liées par des chaînes télévisées. La guerre est prête, alors full alerte. J'serais plus qu'on pousse à être. J'me fous que la foule atteste. Les cons du charme servent un gun dans la bouche, rouge à lèvres. Tout droit sorti du goulag. Gueule de soulard, les pieds sur terre en poire. Yeah. J'vais peut-être mourir en secret. J'serais sans abri, au moins une balle sera logée dans ma tête. J'ai un son inspire. J'fais ce que j'veux, j'fais ce que j'fais. Y'a qu'en galère que j'écris mon malheur et mon aubaine. Sale. Yeah. Que du sale, sale. Yeah. Yeah. Yeah. Ok. Putain c'est la galère, j'ai toujours pas de gros salaire. J'fais du rap mais j'en ai pas l'air, négro j'parle dans le zèf. Pourtant j'vois que t'as l'air, j'ai plus de punchline que Bader. Tiki met ton équipe à terre, j'vois tes gars dans le def. T'inquiète pas mon pote, j'ai balisé mon territoire, bah ouais les gars j'vous ai localisé. Moi j'suis bourré de talent, t'es bon cartisé. Et je serai sur la toile sans faire de médiatisé. Si tel était mon destin, j'aurais fini one kill. Mais j'ai pas la vie de ma cowboy, même si dans le son le blanc kill. Putain pour les conneries quand on kick, on met la dose. Prends ton ticket, c'est gratos, ce gros effet garant. J'suis venu faire mon troupe et basta. T'es massé casserole, les gars, sortez les pastas. Tellement que j'fais du sale, j'en pollue l'atmosphère. À ce qui paraît, j'mets la pression, donc tu peux m'appeler Pascal. Eh ben c'est pour cette vie. Moi, car bouge là, merde. Mais pas c'est pour cette vie. J'vais à Docity, bouge de là. J'attends toujours comme analyste. J'canalise ma haine ici, on te banalise. Pas la peine de bluffer dans la rue si tu ne mets pas la mise. J'suis qu'un artiste, non j'suis pas un produit dérivé. Rien à prouver, les gens en fait, tout est à vérifier. J'ai acquis ma rime à la sueur de mon front. Et j'en ai chié à l'arrivée, t'imagines pas la couleur de mon froc. Mais je suis prêt à faire un geste. Pose-moi la part du lion, mon mignon, j'te garantis les restes. J'suis dans mon trip, j'suis qu'une antilope sans peur. J'ai une plume encore plus rare qu'un chinois aux 35 heures. Et je suis à l'aise comme si Dana Claire Fontaine. Je balance un peu de flow dans tous les sens comme une femme fontaine. Yeah. Et dans ma team on se relaie. Quand on tombe on se relève. Quand on perce, quoi qu'il pense on devient la relève. Yeah. Je suis comme Arthur et l'épée. Je suis qu'une éminence à l'évidence. Je peux vous faire oublier le tube de l'été. Yeah. Que de la frappe, que du vice, que du sale sale. Ma gueule t'es toujours les mêmes habillés en Versace. Clip clap, sors la big bag, j'mets des big baff. Mes idées sont claires, mon négro nice. Besoin d'exil, parce que j'excelle. Bousiller mes Yankees, m'arracher aux Seychelles. Déchaîne, les motherfucking elles déchaînent les enfers. Tu sais pas chanter et que tes mimi devient ma vixette. Ils veulent ta peau, mec, comme Roger Rabbit. Tu veux des sous, gros, passe là où j'habite. Quelques gamos, négro, c'est là qu'on s'abrite. Quelques zéros sur l'échec, qu'on se fasse un bad trip. Leur débat, moi je m'en bats les aisselles. Et si je vais au resto, je prendrai une quenelle. Des coups de fouet, c'est tout ce que j'assène. Je dois me saigner pour qu'elle l'assassine. Yeah. Lentis, chairman, sarcelle dans la maison. Je plante le décor, j'en ai plus rien à carrer. Comme cette caisse sur le trottoir, j'ai pas pu me garer. On me dit que l'être humain est de plus en plus égaré. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je souris. Ouais, j'enfile ma paire de Timbo. Je vais faire de la fête comme dans le clip de Daddy Yankee Limbo. Je vais sur Instagram, me rince l'œil sur quelques bimbos. Y'en a des bonnes, je souris. Je dois être un clown triste dans le fond. Qui vit dangereusement comme un convoyeur de fond. Parfois mis de côté vu la couleur de son front. Si demain y'a la guerre, penses-tu que je serai au front? Non, jamais, je suis au-dessus du général. C'est clean, wallo wallo bok comme au Sénégal. Je crache ma joie, ma haine, brûle les amygdales. Jusqu'à Guadada, je navigue, appelle-moi admiral. Je suis perdu, je sais même pas qui épouser. C'est dingue, je sais même pas lequel je dois exploser. Les filles belles se la pètent, les filles moches se la pètent. Les pétasses veulent qu'on leur fasse la cour et ça me prend la tête. Donc je fais le grincheux, vite je deviens nerveux. Et là tombe sur Instagram, je souris. Rime fait Eric, le prénom c'est Frédéric. Rends les fans hystériques, je viens de loin, je suis préhistorique. Driver, le dernier dinosaure. Le seul qui est toujours frais et qui kick encore. Et quand je monte sur scène, c'est pour péter le score. Je réinvestis mon salaire dans Paris on sport. Bang bang, c'est bang, clean bang. Lui let's get j'ai killé Lily, sont condamnés à punir. Nigga. Attends, moi j'ai pas fini de baiser les mères à tous ces putains de fascistes. Des fous, on va la Big Malion. Pull up ça, DJ yo. Pull up ça. Hey. Il Jack, 7ème avenue. Lentis SLR dans les bacs. 7ème avenue. Orléans. Hey, Jordi. T'es chaud là, Jack. Yeah. 5ème avenue, man. Hey. Hit Jack, yo. Leroy. Je fais mes jazz. Fais mes jazz. En même temps d'enferme tes fesses. Quand je rappe les lumières s'éteignent. Les lumières s'éteignent. Ma atmosphère que mon texte fait naître. Je veux les ken, c'est clair. C'est clair. Sans dire que je baisse des mères. Les balles sont logées dans mes têtes. Les hommes demeurent SD. Pas d'odeur, tu ne me sens pas. Me prends la tête, je fais les 100 pas. Rester discret ou leur rentrer dans le bas. Je danse d'une blanche, la blanche est en toi. Chaque meurtre est un fratricide. Chaque guerre est une guerre civile. Je veux devenir tellement riche qu'on traitera d'illuminati. Corps et âme dans la mêlée. Cette m'avenue que le bac soit scellé. Man dit au man qu'on veut pas que c'est gros pédé. Fond en empire, la cam est de la rage dans la pédée. Chaque coup du bar dans la poulet. Je suis 60 kg à la peser. Que le corps va faire du rang qu'à appeler. Je joue pas bien à l'église. Il part de la pédé. Pédé. Yeah, on va se faire plaisir un peu. Pull up moi ça s'il te plaît mon gars. Pense la nuit, l'horreur de la vie, la beauté de la mort. Yeah. Pull up moi ça s'il te plaît mon gars. Mr. Franklish. Allez chercher mon gars Lentis sur la route. Let's get it. Envoie moi ça mec. Oh non. Bah alors. Je souris, demande à Driver. Yeah. Ah. Hey. Let's get it, I need my money. Ma putain de money, man. Oh. J'pense qu'à mon blé parce que ça règle les problèmes quand j'suis sur la paille, man. Charismatique, on cherche pas l'embrouille pendant la balade. Non. Mais quand le ton monte, man, nous, on raconte pas de salade. J'sors avec Algérie, Marocain, Sénégal, Mali et Congolais. Normal. Je rentre avec brésilienne, polonaise, africaine, grosse fesse et gros bonnet. Je perds du temps quand j'ai de l'argent à gagner. Moi j'appelle ça le money time. Ça s'allume dans la rue et malheureusement la vie d'un homme va s'éteindre. I don't give a fuck, j'ai m'en bats les couilles de leur avis. La vie. J'ai plaqué ce qui me nuit pour de l'argent et de leur avis. De leur avis. 187 flow, boom boom, mon son est mortel. Mortel. Je fais du travail avec une chienne qui m'attend à l'hôtel. Frankly, j'ai le nouveau main. Je rappe depuis une chambre froide. Tu ressembles à tout le monde, moi je ressemble à personne. Je le répète, je ne suis pas comme vous, man. J'ai de l'amour pour les miens. Et j'ai de la haine pour les tiens. Rien à donner, rien à envier. Donc c'est lui de plus, elle veut toujours jouer. Ils comprennent que pas, moi j'ai pas leur temps. Leur temps pour moi est fait d'or et d'argent. Normalement je ne fais pas semblant. Donc forcément je les bais gentiment. Oui et là c'est dorénavant. En impro je deviens trop fou. Je bois de l'alcool et je deviens sous. Nique ta mère, je veux l'argent à pique sous. Every night. On oublie le texte, mais on continue. Négocier sans complexe. Tiki-oh. T'as fait des freestyles, t'as fait tourner. Man, c'est malheureux de voir que vous êtes tous gays. J'ai le soutien de tous mes gars, vas-y Tiki, shoot-le. Je vais faire un coup d'état, vas-y Tiki, shoot-le. J'ai plus le temps pour les parades, il est temps de faire des hits. Ton rappeur, il est banal, il s'inspire de mon équipe. Il s'inspire de mon élite, c'est comme ça nous modélise. Tiki-oh, il est pas mal, tout trempé ton legging. Moi j'y vais doucement, tranquillement mais sûrement. Que je percerai bientôt, je dirais même que c'est surnom. Zizi, dur plan, les tuans, on les surprend. Enchanté, moi c'est Tiki, je veux juste ken, j'ai plus le temps. Oh, t'es entendu râler déjà quand j'étais décalé. Ils m'ont jamais fait cadeau, y'a que mon faux que j'ai dépassé. parler, il me fallait car je suis balé, je lui ai tous fait des talés. Tu veux tester gamin, autant essayer de couper les galets. Li, oh, li. Li, oh, li, li, li, li, li, li, li, li. Tony Montana. Montana. On va Tony Montana, DJ. On va ça, on va ça. Tony Montana. Le moment que j'attendais tant. Putain d'abus. Yeah. Hey, l'OMG, vous êtes là ou pas? Tony Montana, mon gars. On va ça sale. Tony Montana. Li. Ouillez sa papaya. Li. J'ai des mains faites l'or et sans dans la merde. Et bon, voilà. Voilà. Une heure qu'on me follow. Non. J'espère que c'est le Christ. Ou bien le sétane, je suis bourré de stup pour que ce soit pas la police. J'suis dans l'excès de l'excès. Y'a que dans le crime que j'excelle. Cette vie, c'est une chatte bien poilue qui ne demande qu'à se faire percer. J'ai reçu, ouais, me repentirai qu'à toi d'un crime. Mon père, j'ai la tête trop pleine de vice, il peut plus rien déverser. J'suis toujours la vérité, même quand j'en sais vrai. Ouais, c'est ça ma life. Dis, veuillez reniflaire. Mais le pire, je jetterai dessus comme la misère sur le pauvre monde. Moi, j'suis paradoxe du vice, plus je deviens riche. Moi, je veux que tu le sois. Yeah. Je veux tous les coucher, promis. Promis, promis, promis. Je veux juste ce que j'ai mérité. Et je ferai comme Tony. Yeah, yeah, yeah. S'il m'empêche d'y arriver. Yeah, yeah, yeah. J'ai pas qu'un grain de folie. Septième avenue, mon gars. Dans ma tête, en vrai, c'est un champ de blé. Je veux tous les coucher, promis. Je vais tous les coucher, promis. Gère dans mes rêves, je suis pas là. Oui. J'écoute du Makossa à Douala. Oui. Mon gang s'est fait pour caparreux. Que le feu soit sur eux. Aminada. Le flow est Billy Billy. Bitch, je nous Philippe. Je vais faire des Billy, frère. Allume-les comme Jean Billy. Je mets couille à chaque minute. Je mets des têtes à claque, pas de tête à coup. Mon temps frissant comme le Zinstron. Bidri, je bénisse. C'est rail de coke. J'emmerde le boss. Et puis je lui baisse la chérie. Et fils de mais ferme ta gueule. Mon tes cigarios comme un putain de puissant. Bon sang, one, tu du sabbat. Écoute les blocs, c'est ma copine sur un. Mon corps c'est des dangereux de Mikey. Je porte que des joujoux séries. Mon sport que des grosses couilles. Batman, gros coup de queue dans le gros cul des guides. J'ai tiré les lits 32. Mais toi c'est la film, man, s'il te plaît. Si tu veux sucer des queues. Mon péché mignon fait pousser de la coca. Comment les gars là sont castes mais pas des Beretta. Non, non, non, non, non, non. Tu veux nous contacter, faut une table Ouija. Je te prends pas un mot, je te pense surtout pas là. Yeah, yeah, yeah, yeah. SLR dans les bacs, sur la route, Lentis, Lentis. Sinon on t'envoie Tony Montana, t'entends? Okay. Bon les gars, c'est fini hein. Yeah, Lentis. Les gars, applaudissez-vous s'il vous plaît, faites-moi plaisir. La nocturne. Yo, Panam, Orléans, la connexion, si t'as loupé ça, t'as tout loupé. Ah, c'était une grosse nocturne, merci Lentis. Bah, pas de soucis, merci à toi. Hein. J'ai commencé en disant Lentis, je finis avec Lentis. Voilà. Là, c'était carré en même temps. Ouais, merci ça. À tous ceux qui étaient en live à l'instant avec nous. Merci. On peut saluer tout le monde aussi, vas-y, je te laisse c'est dire. C'est ce que j'allais dire. Bah, gros big up à mon gars Driver, bien sûr. Je pense que ça a fait plaisir à tout le monde d'entendre Driver rapper. Gros big up à Marit Boom Squad, RDMX, Tiki, Cartoon. Gros big up à mon gars Franklish qui a fait le déplacement. Il vient de rentrer en France hier en plus. Gros big up à mes gars de 7ème Avenue, donc Leroy, avec son backer fou, t'entends? Avec Iljack. Gros big up à mon gars Sherman, qui est venu avec toute son équipe. Ouais, donc big up à eux aussi. Je vais en placer une aussi, une petite. Yes, vas-y mon gars. Grosse dédicace à mon frelon Fous qui est actuellement au ballon là, il est au placard. Grosse dédicace à toi mon gars. Et puis t'as vu, on a kické ça mon gars. On a kické ça fort, voilà. Gare Charcel dans la maison. Et bien sûr tu as oublié quelqu'un pour la fin. Non, j'ai pas oublié, je t'ai dit la plus belle pour la fin, je t'ai dit tout à l'heure. Vas-y, bien vas-y, sûr, vas-y. Gros big up à Emily Manoa. Donc à suivre sur tous les réseaux sociaux, Manoa, comme ça se prononce, M-A-N-O-A. Deux A sur Instagram, je crois. Et voilà, faut suivre. C'est Emily qui a ouvert le freestyle tout à l'heure. Voilà, donc ça a été ouvert en beauté. Donc voilà, je compte sur vous. Et puis voilà. Mais encore une fois, merci à tout le monde d'être venu. Ça m'a fait super plaisir. Et à bientôt, j'espère. Merci à toi, Lentis. On rappelle que c'est dans les bacs sur les routes. Et merci à vous tous sur la route, pardon. Et sur les routes de France, en tout cas pour toi, j'espère voilà. Beaucoup de concerts. Yes. Et merci à vous tous. Passez une bonne soirée, la nocturne. Ça continue encore un petit peu. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Allez, c'est reparti pour le son de la nocturne. Il nous a filé ça, des clips classe, comme Vald sait le faire. Voici le son de Selfie, l'album arrivera au mois de septembre, pur tuer. Allez mater les clips, hein, c'est l'heure en plus, c'est sur le net, un peu partout. Vald. Elle veut que je lui fasse mal, que je lui écrase la tête. Mon pied sur sa face, ça m'insulte faillette.

l'hiver. Si on fait un fête, y'aura pas de guetta, mais que des Vegeta et zéro Belvedere. Tu te scores, y'a du MC au dîner. Tous tes mythos passent en temps embarratiné. Mon terrain à la FNAC, j'ai que des phases à dealer. On a prêt à venir à tirer, bien la panne après la visée. Les poulets sont fans, ils passent et prennent en photo. La vie c'est pas comme le foot, dès que ça tire des balles, y'a plus de poteaux. Ils retournent en baisant une tonne d'abus. C'est la fin des débats, le gun donne son avis. Le but de faire le chiffre comme l'école de la ville. On apprend à être un homme à l'école de la vie. Pour dossier chaud, le monde a mis jojo. On refait ta déco, beaucoup mieux d'un mytho. Eh, avec une paire de d'amico, viscère le surveillant qui te ramène ton bigot. Eh, ici personne considérera ton flow pété, etc. Arrête de péra. Mon sam est enfermé, le projet leur donne libéra. Représente vitrine, peut-être nous quasiment mot l'inverse. A force avec l'esprit tordu vu qu'on a tous très vite grandi de travers. Arrête tes vies, tu vois le tableau. Tous nous quasi, on fait pas le patron. Le silence est d'or, non pour l'argent, pas le patron. Elle veut s'endormir sous mes draps. J'ai trop de problèmes avec l'État. Quoi qu'il arrive, nous on parle pas. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. 40 000. 9 que 1. Fais la ce fort. Moi je te le confirme, on est fort. Bah ouais, moi. Tout est pro-son. Comme un charognard qui vient de sortir de son lisseau. 4 ans que je rappe, ces salopes m'arrivent même pas à la cheville. C'est pas parce que t'es chaud dans ce rap de merde que ça va te rapporter du bif. Pilo, bœuf, que cras, négro, viens voir mon gars bif. Garde à vous pour mes soldats entre Kaki. 40 000 SDHS 92i. NHB m'appelle, faut que je refasse une dinguerie. Changement d'esprit comme Badem après minuit. Gros, bah je ne parle plus. Fais tes bains en silence, perse revient plus. Ces rappeurs ont perdu dans le noir le plus total. Sur la vie ma mère, ces rappeurs rapperont plus. Dans ma tête c'est Chicago, j'en ai rien à foutre. Si je veux, je te casse ta gueule. Dans ma tête que des buzons, bang bang bang, j'en dis que c'est fait des meurs. Sombre gang bien tout rasé. Tout est noir, on fuck vos préjugés. Nègre rien à foutre ton amitié. Quoi qu'on fasse, on sera toujours détesté. Breton est le gang. Nègre breton est la bande. Trop de salopes, j'ai humilié. Sombre gang, victoire les présagers. J'te plaque, j't'emmène au sol. J'suis sur toi, j'passe ta gamme. Clé de bras, cassage de bras. Au sommet, était un vrai renoir. Ils n'atteindront jamais l'oseille, demande ça moussa. J'suis répandu comme Ebola. Nage baisse si cela, j'encule tous ces médias. Une grosse billette en guise d'un pas. Sexe, ton négro, tu ne résisteras pas. Plus dur que du métal frité. Avocat, 1000 euros, j'suis acquitté. T'es une pédale en ton de paix. Mais dis-moi, que seras-tu en ton de guerre? Sombre gang vient tout raser. Tout est noir, on fuck vos préjugés. Nègre rien à foutre ton amitié. Quoi qu'on fasse, on sera toujours détesté. Breton est le gang. Nègre breton est la bande. Trop de salopes j'ai humilié. Sombre gang, victoire les présagers. Je suis un peu du RH, tu dégoûtes. Oui, j'ai fait de l'argent pour que ma mère vive dans le luxe. On te dit ceci, on te dit cela et toi t'écoutes. SDH, S-Click, on fait toujours pire shit, tu redoutes. J'suis un négro haineux, dangereux, ouais Hugo, j'ai la rage. Je te coupe en petits morceaux et je te lèche dans le sac. On avait des dents le rat à boire, y'a que des pirates. Si l'heure de ces terres on va les faire, on parle pas, faut les fumer. C'est bien faire de la muscu, mais si y'a de rage, j'espère que tu vas fumer. Tu peux te faire enculer par un petit négro déterré bien calibré. Portez un coup, prends tes doux et va faire tes billets. La hagla ne vit pas, la roue tourne vite, je vais venir t'allumer. Déterminé, j'abandonne pas à combat. Si tu veux mettre un fils de pute, faudra que tu viennes m'arroser. Si tu me tires dessus, t'as pas intérêt à me louper. Si je veux revenir et l'addition sera très salée. Click bang bang, on n'en parle plus RIP. On n'en parle plus RIP. Sombre gang, bien tout rasé. Tout est noir, on fuck vos préjugés. Nègre, rien à foutre ton amitié. Quoi qu'on fasse, on sera toujours détesté. Breton est le gang. Nègre, Breton est la bande. Trop de salopes, j'ai humilié. Sombre gang, victoire les présagers. C'est Sean dans la nocturne 100% rap français. Donc c'est ça. Pour mes négueuses. Je fais ma musique pour mes négueuses. Je fais ma musique pour mes négueuses. Je fais ma musique pour mes négueuses. Quelle que soit ta couleur, t'es mon écueuse. Quelle que soit ta couleur, t'es mon écueuse. Quelle que soit ta couleur, t'es mon écueuse. Je fais ma musique pour mes écueuses. Et sa mère le buzz. Je fais ma musique pour mes écueuses. Pour mes écueuses. Descendant d'Afrique, noir foncé négueuse. Noir foncé négueuse, charbon. Sans cara musique, Burkina négueuse. Burkina négueuse, African West. Mort pour la cause négueuse. Pour la cause négueuse, pour la cause. Mort pour la cause négueuse. Pour la cause négueuse, rest in peace. Mort pour la cause négueuse. Pour la cause négueuse, oh. Un vrai négueuse, elle c'est négueuse. Elle c'est négueuse, ok. Lumumba négueuse. Lumumba négueuse, vrai négro. Vu de la banlieue, la France est hideuse. La France est hideuse. Négueuse, j'hésite entre deux mitrailleuses. Deux mitrailleuses. Négueuse, j'hésite entre deux mitrailleuses. Deux mitrailleuses. Laquelle? Entre deux mitrailleuses. Entre deux mitrailleuses. C'est pour mes négueuses qui bigrave le buzz. Qui bigrave le buzz. Les produits. Par nécessité, allume la disqueuse. Allume la disqueuse. Sans produit, soirée ennuyeuse. Soirée ennuyeuse. Fais tourner le buzz. Fais tourner le buzz. Casse pas les couilles, ferme ta gueule et creuse. Ferme ta gueule et creuse. Ta gueule. Si tes billets sont sales, trouve une lessiveuse. Trouve une lessiveuse. Réfléchis. Bouteille et gamos, ça y est, t'es heureuse. T'es heureuse. T'es heureuse. Eh, fais pitié, mon négueuse. Pitié, mon négueuse. Que Dieu nous pardonne, attitude vénéneuse. Affaire épineuse. Ça peut l'enfer négueuse. Ça peut l'enfer négueuse. Lobby de cité aux finances douteuses. Douteuses. Eh, on fait comme on peut négueuse. On fait comme on peut négueuse. Lobby de cité aux finances douteuses. Lobby de cité aux finances douteuses. Lobby de cité aux finances douteuses. Aux finances douteuses. On fait comme on peut négueuse. On fait comme on peut négueuse. Je fais ma musique pour mes négueuses. Pour mes négueuses. Je fais ma musique pour mes négueuses. Pour mes négueuses. Je fais ma musique pour mes négueuses. Pour mes négueuses. Quelle que soit ta couleur, t'es mon négueuse. Quelle que soit ta couleur, t'es mon écueuse. Quelle que soit ta couleur, t'es mon écueuse. Je fais ma musique pour mes écueuses. African West Coast. Et sa mère le buzz. Sa mère le buzz. 100 000 heures de haut, le compteur négueuse. Le compteur négueuse. Entre humour du ghetto et vie douloureuse. Ça s'en bat les couilles en tirant sur le buzz. Faire la pleureuse ne changerait négueuse. Ne changerait négueuse. Ça changerait. Africain de l'Ouest, parents modestes. Parents modestes. Africain de l'Ouest. Sarko à Dakar, discours à indigeste, c'est ce qu'on indigeste. Sale pirate du bitume au large de la thèse. Au large de la thèse. Aller en enfer sans GPS. Sans GPS. L'amitié tient à rien, ouais. Ouais. La vie est ainsi, que y'a de l'oseille en jeu. Ouais. Je connais plus tes amis. Profitez des jours de pluie. Parce que les poulets, non, n'aiment pas se mouiller, homie. N'aiment pas se mouiller, homie. Avant même vouloir participer, ça veut chétrir. Ça veut chétrir. Le capitalisme t'initie à la crapulerie. Celui qui juge n'est pas forcément innocent. L'être humain est long, Dieu est grand. Rappeur indé depuis le franc. L'oubli de cité aux finances douteuses. L'oubli de cité aux finances douteuses. On fait comme on peut négueuse. Je fais ma musique pour mes négueuses. Je fais ma musique pour mes négueuses. Je fais ma musique pour mes négueuses. Quelle que soit ta couleur, t'es mon négueuse. Quelle que soit ta couleur, t'es mon négueuse. Quelle que soit ta couleur, t'es mon négueuse. Je fais ma musique pour mes négueuses. Il s'avère le plus. Mero, mero. Que ton fabulous gang. Que ton fabulous gang. Back to the future. Cent pour cent rap français. Planète. Pour la conso, c'est minimum 10G. 10G, 10 grammes de sève dans le cerveau. C'est 10 grammes de sève dans le cerveau. Je sais que j'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait du sale. Quand je dormais dans la cage, j'ai vu maman verser les larmes. J'ai assisté au drame de la drogue et des armes. Des mecs qui se faisaient découper comme des jambons de barbe. Motherfucker bang bang, c'est comme ça dans ma rue. Je pourrais prendre perpète, je pourrais quand j'allume. Mais tu peux mettre des play, qu'attendez ça qu'on a lu. On arrive et on fait le taf, pas frais sans bavure. Tous les jours je fais le cash, pas ouais j'ai de l'allure. J'suis riche avec mes gangsters, foncé sur la lune. On a fumé de la ganja, ego j'suis dans ma bulle. Nous invite pas à ta fiesta, on va tiquer ta pute. 10 grammes de zep dans le cerveau. 20 grammes de shit dans le calcif. Ouais, tous mes raps, amènent négro. Sont dans le vol et le trafic. Nique sa mère la juge et son pote le proc. Vitamine la thune où je sors le glock. Cigarette allumée, j'inhale ma fumée. Tranquillement, Eve la clé-poire me coffre. Putain, j'ai toujours grandi dans le chahut. Et trop tôt j'ai quitté le bahut. Je connais tous les coins de ma rue. Sur la tête du petit que j'ai pas eu. Putain, la vie de ma bière, il me faut le butin. Alors vide la caisse, c'était le putain. Mon frère veut les mêmes, alors tu les enlèves vite fait avant que je te nique ta mère. C'est quoi les bails, c'est quoi les business, hein? Toujours en vouloir plus le fil un big stress. Défoncé dans ma bulle, je vis que t'ivresse. Mais ces fils de pute pourront jamais me prendre de vitesse, hein? Pour la conscience, c'est minimum DG. Pour la conscience, c'est minimum DG. Gizmo, DG, nouveau son. Pour la conscience, c'est minimum DG. 9-4, VLD, VLG. Ramène-moi mes DG. Ramène-moi mes DG. Ramène-moi mes DG. Ramène-moi mes DG. Faut que je fume, faut que je fume. Pour la conscience, c'est minimum DG. Faut que je me fume et faut que je fume. Je m'en verrai un homme d'enculé. C'est minimum DG. Je vais finir par vous mettre un coup dans le vis. Oh, j'espère qu'ils ont pigé. Négro, je suis obligé. J'agis comme un trisomique. Père de Bendo, Bendo. J'agis comme un trisomique. Bendo, Bendo, Bendo. Bendo, Bendo. Si j'ai vorace, moi j'ai plus de temps à perdre. Ça fait 24 ans que je nage dans la mer. 24. Bendo, Bendo, Bendo, Bendo. Bendo, Bendo. Gizmo, juste pour vous dire, voilà, tous les styles musicaux, je fais ça mieux que vous. Vous êtes des petits pour moi. Le grand, j'ai même pas encore 25 ans. Vous avez déjà presque 30 ans, mais vous êtes des petits pour moi. Comment vous rappez, vos punchlines? punchline de merde, tous ces trucs là là. Là là bientôt je fais un featuring avec un Rayman. Même lui vous met à la menthe ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Oh là vous êtes des petits bendo bendo bendo. Hein, pour la conso c'est minimum 10G. J'espère qu'ils ont pigé. C'est pas sorcier comme Jamy, bande de bâtards. Ok, VLG la jupe, la redoute. Carter, on est ensemble, ça bouge pas. Cité Rose, tout le monde autour de moi. Hein, Bilou Prod, Baba Empire. Tous mes héros, tous mes héros, tous mes héros. ZER, Bastos, D-Max, Z-Clips, Axel, Uni, Willy, Willy, Uni. JP Gangsters, motherfuck. Planète Rap. 100% rap français. C'est Giorgio dans la nocturne avec Iron Sai. Appel à la révolte, le nom du morceau dans la nocturne. On marche dans la ville, mes gars tiennent leur bouteille par le goulot. Touche à la famille, y'aura des bénévoles pour le sale boulot. Un tiers de menacé, on sait que t'excèdes dans le blabla. J'ai jamais tapé de lacets, posé dans des grands appartes. Je manie les lettres, mes textes sont meilleurs que les mandats cash. J'ai aucune tête, mais je suis stressé comme un trader de Goldman Sachs. Oh là là, pose la cam, c'est de la frappe, c'est trop grave, plus le déçu. Tu vas pas assumer comme un frère amoureux d'une pute. Quoi de plus fort, le bonheur avec ou la tristesse sans. La routine en viol auquel on assiste pleinement. On dit que ça va au bord de la falaise qui a pire. Regarde le fumer son crack près du bowling de bord de la chapelle. Je représente le district et Beachville. Échapper les villes si ces victimes se prennent pour des rappeurs bling bling. Bang bang si c'est triste. Des peines de ballon. Ça flirte avec le triple 6 dans un survêt de Chelsea. C'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. C'est un appel à la révolte. Comme une petite tichiale, on contrôle les flics misogynes. Je te crois, ça fait clic clic pas. Sans m'étant, je déteste la violence. Je préfère la romance. Mais si tu joues trop l'arrogance, je suis obligé de représenter. Même si ça me fait mal au cœur, je te mets des droites avec la main qui écrit mes textes. Prends-toi mes droits d'auteur et pour le reste, tu veux l'astuce. En bas du sky, je te la donne. Je crache le feu, je suis éclairé par les flammes de la mort. C'est pour les dentistes qui finissent édentés. Les grossistes qui mettent du pif dans un matelas éventré. J'ai fait les 400 coups avec des milliards de frères. On a trop de proches là-haut pour eux. On est devenus des pirates de l'air. J'ai mes failles, j'ai mes qualités. J'ai mes straps que des gars sûrs que même ma mère a validé. Pour demain, je t'avoue que j'ai pas d'idée. Une chose est sûre, nos bagages sont prêts, on se laissera plus dévaliser. C'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. Je crasse le feu, le rap bien mes ondes. Démange l'évité, je parle peu. Appelle les pompiers. C'est toi le petit Jean, je crasse le feu, le rap bien mes ondes. Démange l'évité, je parle peu. On se détruit depuis nos 15-16 ans. Alcool, shit, médicaments. La sale vie des familles françaises. Je suis pas né dans le 16, donc j'en place une pour le RERB. Mes amis d'enfance. Pour tous les êtres perdus qui cherchent des projets. Chaque semaine, la routine met des gros jets. Puisque même trouver le sommeil est devenu un combat. Y'en a qui attendent la mort pour s'endormir dans le beau drap. Oh les filles, faut pas trop kiffer. J'suis qu'un enculé qu'on encule pas. Malgré ma sexualité débridée, mon fun zone. Bien sûr que j'laisse filer, j'mène ma propre révolte. J'suis un sacoche si j'fais ce qui me plaît. C'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. Planète Rap. 100% rap français. Nouveau son d'Ossé dans la nocturne. Oh.

Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Rap français, planète rap. La nocturne. Ok, Belek, Rambo sous Bédo. Non, non, non. J'ai l'archi mon champ de vision. Avant la collision, fais une toile pour moi, toi avec superfusion. Je me suis fait discret, un sanctuaire dans ma région. Décimation, mes lésions, mon rap, une convocation. Tu t'es mis au rap quand t'as vu être mal. Nique le BEP, j'écrivais la rue, j'avais déjà franchi la deadline. Ketama, je reviens dans le game, c'est quoi les bails? Bousillé, j'espère qu'il bousille, va pas nous faire comme Shine. Utiliser la douleur pour monter de niveau. 04 HH Money, 300 kilos. Tellement de rivaux, autodestruction chez les marginaux. C'est pas les problèmes, mais la weed qui tue le cerveau. Un mec de test à qui on donnerait le brassard. Du cinéma, t'es le reflet d'une époque que je m'étends. Chez moi, c'est les ML qui se font lécher tellement. Renoir, t'es un pâte, te faire prendre la boîte à caca. Toujours aussi vilain, même avec un disque de platine. C'est ça la relève, rien que ça tapine. J'assassine, appelle-moi Guillaume. Y'aura pas de copains copines à coup du 108, j'termine ta team. J'ai besoin du pénis pour faire ma place au soleil. Je crois grave que ce type vient m'expliquer la vie. Y'a rien de personnel. C'est quoi la vie si elle est pas personnelle? J'ai connu le franc, l'hypocrisie de la gauche, François Mitterrand. Ghetto Youth, Rue de Lyon, dissident, jeune vétéran. Criminogène, premier maxi ray du vrai rap, c'est franc. Je me suis fait dans la douleur, m'enfonce dans les sables mouvants. Mythomane, tu nais, mythomane, tu crèves. J'ai vendu mon cauchemar, j'ai pas vendu de rêve. Mauvais élève, pour les art dreams, je suis sur la corde raide. Un vrai bêta, oui, se faire niquer par un mec tout maigre. Génération de merde, tout dans la crête, rien dans la tête. Certifié classique dans la légende avec mon cahier de texte. Les chiens qui aboient de mort. Fiché au 36 qui est des orfèvres, la chatte de Nabila. La chatte de Nabila. IM c'est lui qui minage, la chef des Kerba. Chez Tan City c'est contre moi-même que je mène le combat. Dinardima del Kebir c'est la Colombia. Brrr, c'est la Colombia. Nah, je suis pas né pour que tu dises que je suis mort. Votre cabison ça pue la tête dans nos saumors. Les Samoussa, Otoupis c'est les Comores. N2S la tête dans le bocal rempli d'alligators. Fumé dès le matin quand y'a rien dans le bide. Suicide à la weed. C'est tous les jours Halloween. C'est de la fumée verte qui s'échappe de la chapelle Sixtine. Les crêpes ont tué la vibe. Hey, j'aime toujours les grosses poitrines. 04 DJ Pelé. Live in direct, la forteresse. Rambo sous pédo. Dans la nocturne. Mais dis-moi où t'étais. mais dis-moi où t'étais. Aujourd'hui ils veulent nous têter, c'est des foulards en leur tété. La silicone, la lobby tété, dis-moi où t'étais. Mais dis-moi où t'étais. Nous connaissent pas, donc ils appellent la NASA. Appelle la NASA. Nous connais pas, je présente que Black et NASA. Que Black et NASA. Bazo Bandata, Lelo Master Indy. Quand on est comme des oursons, on n'est pas Winnie. Winnie. Le vaisseau des pètes, on fait que constater, constater. De nos rues, ça va, ça tire, on fait que stopper, que stopper. C'est pas notre faute, on est de nous depuis l'adolescence. Depuis l'adolescence. On n'est pas des dauphins, mais master en carburant et l'essence. Pas gris de ce pays, bien rappelé n'est pas un délit. Veille de gagner l'obéi, on fait du mal depuis qu'on embellit. Comme un jeu de cartes, jeu de cartes. T'annonce le tarot. Y'a que sous-jack, sous-jack. Plus que je suis paro. Nous ont boycotté, souvent mis de côté. Aujourd'hui ils sont un peu de côté. Viens nous rattraper car on a la côte. Mais dis-moi où t'étais. Aujourd'hui ils veulent nous têter. C'est des foulards en leur têté. La silicone, la lobby têté. Dis-moi où t'étais. Mais dis-moi où t'étais. J'perds le fil, les cicatrices. Nos parents cousus devant les filles, c'est moi qui sais bouche cousue. Ah ouais. 8 plus shit, j'fais des calculs et j'ai l'informateur. J'ai l'informateur. Ta cousine et une tétine et j'suis l'enfant gâté. Mama, j'suis dans les temps. Papa, j'suis dans les temps. C'est faux MC, dans des temps. T'es tantôt, y'a leur tonton. T'es petit peu comme un embryon. Et tu veux voir ton ombrier. Je te prends pour cendrillon, mais tu vas finir dans mon cendrier. Ta cité hard, c'est personne à pas ça. Tu trouves je suis hard, c'est je pense et je pense. Repasse le 11 dans ta caisse, ne le fais pas si tu n'encaisses pas. Y'a pas de CLM ni la baisse, ou y'a on te baisse si tu nous restes pas. Et Yinji, Yinji, nous teste, va coquiter. Et Yinji, Yinji, nous teste, va coquiter. Mais dis-moi où t'étais. Aujourd'hui ils veulent nous têter, c'est des foulards leur péter. La silicone, la lobby tété, dis-moi où t'étais. Mais dis-moi où t'étais. Où t'étais. Où t'étais. Où t'étais. Mais dis-moi où t'étais. 100% rap français, planète. La nocturne. Maître Kiff. Pilule rouge. Wouh. Melinda Gate. Melinda Gate. Oh no. Melinda Gate. C'est pas une news. Melinda Gate. Melinda Gate. Oh no. Signe au don du chèque. Melinda Gate. Fais ça. Melinda Gate. Melinda Gate. Tu t'attendais à quoi? Melinda Gate. Melinda Gate. Fais ça. Signe au don du chèque. Melinda Gate. Chanteur, rappeur, en fin de compte, y'a pas de diff. Bombarde le moteur, compte jusqu'à place dite. Les petits veulent les mêmes choses, l'oseille palpé 45. Ça bouge up, comme à l'époque de 22h45. Je suis de retour, tu voulais voir le king lutter comme Martin. Je suis le front kick dans la porte qui fait bondir ton père dès le matin. J'ai pas de muse abruti, ma seule muse c'est la street. Les frères muses, les frères qui font mumuse. Et ceux qui abusent sur l'islam, c'est précepte. Ainsi que ces 73 secs, déposer les armes. Ouais, je compte jusqu'à 47, des refaites. Je t'aimerais, avec un cœur en plastique, je suis de Paris. C'est toujours un peu Walking Dead à Bastille. Pour Farid, Macan, le petit frère de Asdin. Le bédo ça rapporte, mais l'héroïne l'a rendu à spin. Anesthésie locale, c'est une opération. Ouais, ouais, j'ai plus d'inspiration que d'expiration. Melinda Gate, Melinda Gate. Oh no. Melinda c'est Gate. C'est pas une news. Melinda Gate, Melinda Gate. Oh no. Signe au don du chèque, Melinda Gate. Fais ça. Melinda Gate, Melinda Gate. Tu t'attendais à quoi? Melinda Gate. Melinda Gate. Fais ça. Signe au don du chèque, Melinda Gate. Je comprends pourquoi les balles perforent les crânes et les joues. Quand t'apprends que le quartier tourne à 60 000 euros au jour, on se dessous. On se tire dessus pour des petits sous, tant qu'à faire, je préfère encore de voir de l'oseille à Picsou, c'est le peura. On perce avec des propos odieux, c'est pas en CE2, t'apprends la roca du CO2, réveille-toi. Ils veulent interdire la fessée, ma langue est une épée, petit car mes parents t'ont blessé. Je suis ghetto, ma sœur, je demande ta main dans un fast-food, une resta. Je me chéca pour pas que ça fasse effet de foule, je les bousille de l'intérieur, je suis chéca dans leur taille-boue. Depuis la poudre à canon, j'entends plus parler du kung-fu. Les refrais, au de blé, ne cherche qu'à manger de la viande. Mais toi, tu sers à dalle que comme la ceinture dans l'avion, tu perces. passera. Seulement si tu crains pas le ridicule, je suis instable. À croire que j'habite dans un Rubik's Cube, je suis posé à leur table. Sur leurs mains y'a plein de sang, je m'investis, violent, comme si je m'appelais Maxence. Les balles fusent, essaie de me désarmer comme Denzel. Ça te servira à rien comme tous les Sharingan de Danzo. Melinda Gate, Melinda Gate. Oh no! Melinda Gate. Pour la nocturne, coup d'envoi des vacances en ce qui me concerne. J'espère que pour vous tout se passe bien aussi. Gims, évidemment Gims, ce sera un des gros albums, double album, qu'on pourra découvrir dans Planète Rap avec le retour de la saison de Planète Rap à partir du 17 août. Il y aura Mac Taylor, il y aura Gims, Ice MC, Niska et plein d'autres. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Prochaine nocturne aussi dans un mois, semaine du 17 août avec plein de nouveaux sons. On fera un point sur les nouveautés de la rentrée. Passez de bonnes vacances si c'est le cas. Courage à ceux qui taffent, courage à ceux qui veillent tard la nuit avec le son de la nocturne. Merci en tout cas d'être là aussi présent, aussi tardivement présent le vendredi soir. C'est toujours avec un grand plaisir. Je vous retrouve dans un mois. Passez une bonne nuit, Fabuleux est là. Bonnes vacances mon Fabuleux. C'est parti, coup d'envoi, rap R&B non-stop. Et prochaine nocturne dans un mois. Ciao. Du rap et du R&B non-stop. Skyrock, rap et R&B non-stop.